Deuxième partie. Dans la voiture de Monsieur le voisin. Il m'en faudra des leçons avant de pouvoir passer mon permis de conduire. Petit à petit, vous ferez des progrès. Vous conduirez de mieux en mieux. Et vous serez reçu à l'examen. Je m'attends à échouer. Mon mari me dit que l'examen est plus difficile qu'il ne l'était autrefois. Et il dit que si je réussis à l'examen, ce sera un miracle. Jamais je ne pourrai me débrouiller dans tout ça. Mais si vous connaissiez le quartier, vous verriez. C'est facile. Jamais je ne pourrai changer de vitesse, freiner, faire marcher le clignotant et regarder dans mon rétroviseur, tout en regardant la route et en faisant attention à tous ces panneaux de signalisation. Mais si... Si j'y arrive jamais, ce sera miraculeux. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas faire d'excès de vitesse, de ne pas rouler en sens interdit et de ne pas brûler les feux rouges. Si vous grillez les feux, vous risquez une contravention et le retrait du permis. Et puis, il y a la priorité à droite, les passages cloutés.